Bonsoir à tous et à tous et bienvenue à l'écoute de ce journal, la dernière édition de ce 15 juillet. En voici les grandes articulations. Les députés burundais demandent au ministère burundais des Finances de revoir la loi relative à l'exploitation des mines et carrières. Ils se sont exprimés ce vendredi lors des questions orales à l'hémicycle de Kigobe. Le gouvernement burundais estime que l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi pourra être impartial du fait que son pays, le Burkina Faso, a traversé une crise similaire à celle du Burundi. Dans son journal, vous entendrez Philippe Nzobonariba, porte-parole et secrétaire général du gouvernement burundais. Les batois du village de Rwamvura en commune province Ruyigi réclament des propriétés foncières car, disent-ils, ne sont plus en mesure de survivre des produits de la forge et de la poterie. Et à la fin de ce journal, vous aurez droit à la chronique Art et Culture avec Christian Savier, Rita Marie-Ange Ngundusenge, une jeune fille styliste de 15 ans qui se débrouille en quelques outils pour faire de la création. Les détails, c'est dans ce journal mis en onde par François Kimana. À la présentation, Mireille Kanyange. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir. Page politique pour débuter ce journal. Le gouvernement du Burundi soutient les activités de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi, Michel Kafando. Cela a été dit ce jeudi par le secrétaire général du gouvernement lors d'une conférence de presse. Philippe Nzobonariba a indiqué que Michel Kafando pourra être impartial dans son travail car le Burkina Faso, qu'il a dirigé, a traversé une crise similaire à celle qu'a traversée le Burundi. Suivez plutôt Philippe Nzobonariba, porte-parole du gouvernement burundais. Ce que d'abord M. Kafando est un homme sage. M. Kafando est un homme sage, c'est quelqu'un qui a été à la tête d'un pays au moment des troubles, au moment où la situation n'était pas aussi bonne. Donc, lorsqu'il était président du Burkina Faso, il y avait une instabilité politique là-bas. Il a été président d'un pays où on a fait le coup d'État. Et M. Kafando en sait quelque chose. Un jour, un certain colonel, Gilbert Diendéré, se lève et fait le putsch, exactement comme Niyombare à Bujumbura, notre Diendéré Gilbert. Voilà, la communauté internationale s'est levée comme un seul homme. Ils ont dit halt au coup d'État, qu'on ne peut pas, par principe, se tenir en putschiste. Diendéré a fini par céder, mais on ne l'a pas invité à la table de négociation, ni de dialogue avec la classe politique burkinabé. Il a été attrapé, n'a pas eu la chance d'avoir un pays pour l'héberger, comme notre ami Niyombare et son équipe. Il n'a pas eu la Belgique pour se réfugier, ni le Rwanda. Diendéré a été attrapé, jugé, et maintenant, il purge sa peine. Du moment que M. Michel Kafando connaît un problème similaire avec le dossier qu'il doit gérer sur le Burundi, pensons que le bon sens, il a dans le sens de respecter la loi, les règles internationales, travailler en toute probité et qui va se démarquer de ses prédécesseurs qui, à un moment donné, eux-mêmes se contredisaient, donnaient des faux rapports au secrétaire général des Nations Unies. En quelque sorte, ses prédécesseurs trahissaient leur mission. Parlons diplomatie à présent, célébration ce 14 juillet de la fête nationale française. À cette occasion, l'ambassadeur français au Burundi, Laurent Delahousse, appelle les Burundais ayant des points de vue divergents à s'asseoir ensemble et préparer les prochaines échéances électorales. Il appelle en outre les Burundais à œuvrer pour les valeurs de leur indépendance. Et revenant sur les sanctions de l'Union européenne contre le Burundi, l'ambassadeur de la France au Burundi parle de la responsabilité du gouvernement burundais afin de lever ces mesures. Je vous prie de le suivre. Mes amis, œuvrez pour les valeurs de votre indépendance. Travaillez à achever la pacification de votre pays et à assurer la sécurité de vos concitoyens contre toute forme de violence, d'où qu'elle vienne. Luttez contre l'impunité. Dialoguez entre vous, en particulier avec ceux qui ne partagent pas vos opinions politiques. Restaurez une pleine liberté d'opinion et des médias. Mobilisez-vous pour que le Burundi guérisse enfin de l'histoire tragique qui a été la sienne. La France, l'Union européenne et vos autres partenaires, vos voisins d'Afrique de l'Est et l'ensemble de la communauté internationale sont à vos côtés pour vous y aider. L'Union européenne et ses États membres sont votre premier bailleur de fonds, finançant par exemple la moitié des coûts opérationnels des centres de santé à travers le Burundi, tout comme l'action de vos troupes en Somalie, unanimement saluée. Cette aide est exigeante. L'Europe a dû se résigner, face à une situation que nous regrettons, à adopter des mesures appropriées, comme prévu par la Convention de Cotonou, pour encourager les autorités burundaises à redresser le cours des choses. Sachez que nous souhaitons, comme vous, la levée rapide de ces mesures. Mais c'est votre responsabilité de rendre celle-ci possible. Le dialogue politique est également exigeant et il faut des efforts difficiles pour rapprocher les points de vue très opposés en vue notamment des prochaines élections. Le facilitateur, le président Mukapa, en sait quelque chose et il a tout notre soutien. C'est par le dialogue que vous pourrez, amis Burundais, vous retrouver et forger votre avenir commun en toute indépendance. Laurent Delahousse, ambassadeur de la France au Burundi. De son côté, le ministre burundais des Relations extérieures fait savoir que les Burundais ont toujours dialogué dans leur coutume, tout en s'interrogeant sur quelle forme de dialogue qui convient. L'ambassadeur Alain Menyamitwe apprécie la contribution de la France et estime qu'il est temps que l'Union européenne lève ses sanctions contre le Burundi. Suivez-le. Il est vrai que la France a été aux côtés du Burundi depuis peu après son indépendance, l'accompagnant dans certains travaux de développement, notamment contribuant dans la construction de certaines infrastructures, des codes de défense et de sécurité, dans le domaine de l'éducation, de la bonne gouvernance et dans d'autres. Au regard de l'évolution positive de la situation au Burundi, nous estimons qu'il serait temps de revoir toute décision visant à réduire l'aide directe, d'autant plus que le gouvernement est toujours disposé à continuer ses discussions et son débat avec l'Union européenne et ses États membres. Qu'il nous a permis maintenant de clarifier une fois de plus la position du gouvernement sur le sujet des droits de l'homme et du dialogue politique qui s'invite dans tous les débats. En matière des droits de l'homme, si le Burundi tend la main à tous les partenaires pour une coopération responsable, il lui est cependant difficile d'en accepter l'instrumentalisation à des fins politiques. Et pour ce qui est du dialogue, je voudrais vous informer tout d'abord que ce concept de dialogue est véritablement un des piliers de notre société. Imitwe ikora ikoranye. Ce qui voudrait dire, c'est dans cet ensemble qu'on réfléchit mieux. Ou inama isumba ingimba, où le dialogue vaut mieux que la force. Ceci pour vous dire que le gouvernement est d'accord avec le concept de dialogue politique. La seule question que l'on devrait se poser, c'est quelle est la forme de dialogue qui nous convient. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Poursuivons ce journal par la page économie. Les députés demandent au ministère des Finances de revoir certaines dispositions de la loi d'exploitation des mines et carrières. Selon eux, le tarif de paiement des fabricants de briques devrait être revu à la baisse pour faciliter leur travail. Le ministre des Finances, Domitien Ndihokubwayo, a fait savoir lors des questions orales des députés ce vendredi que cette question est sur la table du ministère et qu'au moment venu, il trouvera solution. Les détails avec Charles Makoto. Le député de Monsieur Bavakure fait remarquer que l'Aubert se précipite dans la collecte de l'argent au moment où l'OBM empêche parfois ceux qui ont payé de vacquer à leurs activités. Il se demande si cette loi s'applique de la même façon pour ceux qui fabriquent les briques pour le commerce ou ceux qui veulent construire leur maison. Pour ce qui est de l'exploitation du sable, du moellon et autres, quand on se rend à l'OBR indiquant qu'on veut faire ce travail, on accède automatiquement à une quittance. Mais l'OBM, lors de son suivi, oblige une attestation qui autorise l'exploitation. Cela cause des problèmes quand celui qui a payé à l'OBR se voit interdit par l'OBM de travailler faute d'autorisation. Il y a encore un autre problème lié à l'exploitation où celui qui aimerait construire sa maison se retrouve confronté au problème de savoir si la loi concerne ceux qui fabriquent pour le commerce ou celui qui construit sa maison qui peut ne pas payer cet argent. Le député d'Umwami Renova, quant à lui, trouve que la fabrication des briques dure une courte période et demande de revoir le barème de taxation. On dit qu'il faut payer à l'OBM une somme de 2 500 000 francs burundais pour une exploitation d'un hectare. Ceux qui fabriquent les briques travaillent 2 à 3 mois seulement. Leur dire de payer cette somme pour cette superficie, je pense que cette loi devrait s'appliquer à ceux qui font l'exploitation des mines, des moellons et des carrières qui travaillent tout au long de l'année. Pour les fabricants des briques, je demande qu'il y ait une interprétation différente pour faciliter leur travail. Il faut qu'on laisse leur demander cet argent, quitte à adopter un autre barème. Domitien Ndiho Kubwayo, ministre des Finances, invite ceux qui veulent exploiter les mines et carrières de s'adresser à l'OBM avant de payer à l'Aubert. Pour ce qui est de la taxation des fabricants des briques, le ministre rassure. Cette question trouvera bientôt une solution car elle est déjà sur la table du ministère. L'honorable Ndououmwami Renova est revenu sur l'exploitation des mines, surtout en ce qui concerne l'exploitation des pierres après avoir payé à l'EBM. C'est une question qui est connue au niveau du ministère. Il y a peut-être des problèmes causés par différentes lois. Nous sommes en train de voir comment y apporter des solutions pour que les gens puissent exercer en liberté. Cela va de pair avec la question des élèves qui, au cours des vacances, fabriquent des briques pour avoir de l'argent ou ceux qui veulent construire leur maison. C'est une question qui trouvera solution très prochainement car elle est déjà sur table au niveau du ministère. Domitien Ndiho Kubwayo, ministre des Finances, invite l'OBM et l'OBR de travailler de concert pour faciliter les exploitants des mines et des carrières. Parlons à présent des nouvelles des provinces. Page justice en province Bouanza, le tribunal de grande instance a jugé ce vendredi, dans le cadre des procès de flagrance, deux hommes attrapés dans la nuit de mardi en train de voler dans des ménages du village 6 de la commune Gihanga dans cette province de Bouanza. Matata Christophe a été condamné à 10 ans de prison ferme, Ndouimana Eric à 5 ans de prison. Ils sont tous coupables de vol qualifié. Je vous l'avais dit en titre, les bateaux du village de Rwamvula en commune et province Ruyigi demandent qu'on leur octroie des propriétés foncières puisqu'ils ne sont plus en mesure de survivre des produits de la forge et de la poterie. Le conseiller principal du gouverneur indique que la loi est claire au sujet de la procédure de demande et d'octroi des propriétés foncières et appelle à tous ceux qui en ont qui en ont besoin à s'adresser aux responsables administratifs pour qu'ils puissent leur venir en aide dans la procédure. Jean-Claude Chimilimana. Béatrice Barakamfitié, une femme potière de la communauté Vatoa avec qui nous sommes entretenus au village de Gwamvura, à la colline Kidamba, en commune et province Ruigi, dit qu'il lui faut 3 jours de collecte de matériel et faire 5 pots de capacité moyenne. Une autre activité fatigante qui suit est la recherche des clients, puisque les pots ne sont pas vendus au marché. Béatrice Barakamfitié indique que les potiers font le porte-à-porte, les pots à la tête en cherchant des clients sur différentes collines. Elle fait savoir qu'un pot est échangé contre un gobelet d'haricots, de maïs ou de pois cajun, équivalent à 1 kg, et précise que les pots qui n'ont pas eu de clients sont gardés là même pour refaire la même activité un autre jour. Venant Boudomoye, un homme moutois forgeron avec qui nous sommes entretenus au même village dit qu'il fabrique essentiellement des couteaux qui sont vendus au marché à des prix dont le plafond est de 200 francs par pièce. Cela, de même que d'autres qui font le même métier avec qui nous sommes entretenus, disent qu'il manque de clients alors qu'ils ont durement travaillé puisque les gens utilisent actuellement dans les ménages le matériel sorti des industries. Ils poursuivent ces métiers faute de marge de manœuvre puisqu'ils n'ont pas de propriété foncière pour cultiver comme les autres barondis. Pour Egide Kagawo, président du collectif des associations d'Evatois dans la province Ruigi, les responsables des institutions dirigeantes du pays devraient se rendre compte que les Evatois doivent eux aussi cultiver afin de pouvoir survivre et partant leur octroyer des propriétés foncières. Valérie Nzimana, conseiller principal du gouverneur, fait savoir que la loi prévoit que la demande d'une propriété foncière est individuellement adressée au ministre de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme. À cet effet, il fait appel aux Batois qui en ont besoin à s'adresser aux responsables administratifs pour que ceux-ci leur aident dans la rédaction des lettres de demande et dans le suivi des dossiers. Vous saurez que ce village de Gwamvura, qui comptait 70 ménages de Batois, en compte actuellement une trentaine, les autres ayant fui vers la Tanzanie suite aux difficultés éprouvées dans la recherche de quoi manger. Jean-Claude Nshimirimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Cap sur le sud du Burundi, en province Makamba, des mesures allant jusqu'à la suppression de la plage de pêche plutôt de Nyagatanga en commune Nyanzalak seront prises les déclarations du directeur général de l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire à Nyanzalak. C'était ce jeudi. Il accuse les usagers de cette plage de travailler hors la loi. Certains des pêcheurs de la place demandent de ne pas globaliser. Une information que nous devons à notre correspondant au sud du Burundi, Jean-Pierre Misago. Et en province Muyinga, l'usage des engrais chimiques doit être accompagné par l'application de chaux pour lutter contre l'acidité des sols. L'appel est des services de la Direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Muyinga, où les agriculteurs adhèrent davantage au programme national de subvention des engrais. Une information que nous devons à Dieudonné Nzeyima, notre correspondant dans le nord du Burundi. Radio Isanganiro Chronique. Un styliste a besoin de différents outils pour mettre sur papier son idée de création. Rita Marie-Ange Kunduseng est une jeune fille élève styliste de 15 ans qui se débrouille avec quelques outils trouvés dans son environnement pour dessiner son idée et la proposer au couturier qui la rend réelle sur base uniquement d'un tissu du Burundi appelé tissu Kotebu. Comment elle le fait? C'est dans la chronique Art et Culture avec Christian Savi. Tout commence par un rêve. La création débute par un dessin. La suite, la jeune styliste de 15 ans, Rita Kunduseng, nous la donne. On dessine et puis après, on réalise le dessin. Et puis, on le fait beau, plus beau. Ouais. Rita a commencé à dessiner dès son plus bas âge. À 6 ans, déjà, les psychologues annoncent qu'à 5 ans, il y a la personnalité qui se forme. À 6 ans, on peut avoir peut-être vu une robe dans les dessins animés. Puis on a envie de porter cette robe de Cendrillon, ces robes de Barbie, ouais, et puis après on commence. En fait, à 6 ans, on n'est pas très bon dessinateur, mais au moins on fait des traits. Dans sa création, elle ne s'écarte pas de la culture burundaise, au contraire. Bien sûr, il y a toujours une différence, parce que dans la culture burundaise, on doit faire des choses longues, ça c'est normal, ou semi-longues. Mais si on fait des choses trop courtes, là c'est pas une culture burundaise, ce n'est même pas africaine. Rita n'est pas au bout de son inspiration. Non, on a toujours une inspiration qui naît. À chaque chose, on a toujours une inspiration qui naît. Par exemple, moi, je suis mince. Je peux voir une personne qui est plus maigre, donc qui est maigre. Je me dis, il faut que je fasse quelque chose pour elle. C'est du nouveau. Quand je décide, moi, il y a toujours une note que je mets. Kunduseng se contente des outils non professionnels, mais rêve en avoir un jour. Il y a des crayons pour ça, il y a des crayons spécialisés pour des dessins d'art et surtout de la mode, il y a des peintures. Et si on n'en trouve pas facilement, c'est ça. Sachez que Rita Marie-Ange Kunduseng a déjà montré ses réalisations dans un grand spectacle organisé à Bujumbura au mois de mai cette année. Point final donc à ce journal. Merci à Christian Savier. Merci à vous qui étiez à l'écoute de ce journal. Merci également à François Kimana qui a assuré la mise en onde. Juste après ce journal, c'est la revue de la presse. Excellente soirée chez vous. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. Le journal Iwachu écrit sur la relance de dialogue entre les protagonistes dans la crise burundaise en panne depuis plusieurs mois. Le bureau de la facilitation a annoncé un nouveau round pour ce mois de juillet. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi dit être déterminé à œuvrer pour trouver une solution à la crise burundaise. Et pour le président de la Commission de l'Union africaine, il faut faire toute la pression nécessaire pour que les parties se parlent et dégagent des consensus. Iwachu précise que la communauté des États de l'Afrique de l'Est, c'est elle qui doit trouver la vraie pilule à administrer aux acteurs burundais. Sur la caricature de l'hebdomadaire, à sa page d'accueil, image du facilitateur à l'appui, une équation mathématique est énoncée. Dialogue exposant N multiplié par Bujumbura plus ou moins l'opposition, le tout sur Arusha, ça donnait quoi? Le journal La Voix de l'enseignant qualifie les examens de repêchage comme simple formalité d'avancement de classe. Le constat fait par plusieurs enseignants des écoles secondaires de la ville de Bujumbura est que les élèves ne préparent pas suffisamment ces examens, quand bien même ils constituent leur dernière chance de réussir. Il y a des élèves qui ne parviennent pas à répondre à aucune question de l'évaluation et remettent des feuilles vierges. Pourtant, poursuit notre confrère, ces élèves avancent de classe suite aux conditions de délibération relativement souples. Les examens de repêchage n'ont plus raison d'être, disent certains enseignants de Bujumbura, dans la mesure où ils ne sont pas des indicateurs objectifs des connaissances des élèves. Le souhait pour ces enseignants est que le ministère de l'Éducation puisse revoir le système d'évaluation de ceux qui n'ont pas satisfait d'office. Le magazine Burundi Echo écrit sur un projet de fusion entre deux entreprises, Air Burundi et Sobugeya. Pour redresser Air Burundi, une compagnie publique en difficulté grave et sur le point de fermer, le gouvernement du Burundi envisage de la fusionner avec Sobugeya, une société mixte qui semble en bonne santé financière. Les syndicalistes de la Sobugeya estiment que, dans l'état actuel, il n'est pas possible d'envisager le changement de statut de la société sans décision de l'Assemblée générale. De plus, renchérit Burundi Echo, ils craignent la spoliation du patrimoine de leur entreprise. Sur le terrain social, ces syndicalistes déplorent qu'Air Burundi soit sur le point de fermer ses portes. Selon eux, l'union est illégale et contre-productive, et de se demander ainsi si un corps sain peut se marier à un corps mourant sans danger pour l'union. Revue de la presse. Burundi Echo parle également d'un licenciement massif mystérieux au sein d'une autre entreprise, cette fois la Buseco, Burundi Cement Company. Cette société, dont le siège est situé à Cibitoke, au nord-ouest du Burundi, a en effet remercié un grand nombre de ses employés. Il s'agirait d'environ 75% du personnel. De plus, il apparaît que la direction générale a également été remplacée. Les raisons de ces licenciements restent controversées. D'une part, soutient encore l'hebdomadaire, les employés affirment qu'ils sont victimes de la mauvaise gestion des ressources financières et matérielles de la société. Et d'autre part, la direction aurait pris cette mesure pour faire face à la pénurie du carburant et au manque de devises indispensables à l'importation des matières premières. Les victimes de cette mesure dénoncent des critères de licenciement subjectifs et l'incompétence des techniciens et cadres étrangers. L'agence burundaise de presse parlait d'une lueur d'espoir pour les commerçants opérant au marché dit Kotebu. La décision du maire de la ville de Bujumbura de déplacer les commerçants du grenier du Burundi et les véhicules de transport des parkings de la gare du Nord vers le marché de Kotebu a rendu ce dernier plus ou moins fonctionnel actuellement. Cette décision a exigé bien entendu une nouvelle organisation parce que les voitures empruntant la route nationale numéro 1 ont dû changer de stationnement pour garer près de ce marché. À en croire certains commerçants cités par l'agence, la décision a été favorable pour eux. Le marché est actuellement plus animé, quand bien même les stands n'ont pas été suffisamment occupés. Hygiène intime féminine, point trop n'en faut. C'est ici un clin d'œil de l'hebdomadaire Iwachu. Il écrit que certaines femmes adoptent une toilette excessive ou inadaptée, étant soucieuses de leur odeur vulvaire. De jeunes femmes citadines affirment appliquer du bicarbonate de sodium, une sorte de poudre qu'on mélange avec de l'eau, sur leur vulve. D'autres mettent des comprimés dans leur partie la plus intime. Un gynécologue cité par Iwachu prône pour la simplicité, celle de se laver la région vulvaire une à deux fois par jour avec de l'eau chaude ou tiède. Qui dit hygiène intime, dit simplement hygiène de la région vulvaire. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse qui vous a été présentée par Christelle Anizigama et Léon Sebitaliho. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine. Revue de la presse.